demande à la responsable technique de l'académie de venir prendre ma place. Tout est en direct. Sous Hélène, tu peux venir. Est-ce que Sous Hélène est prête? Parce qu'elle est arrivée en avance, Sous Hélène, et au moment de l'académie, non mais, elle a pris le bus. Il y a Fred qui essaie de perturber l'autre équipe. Oui. C'est quand vous voulez, messieurs. Oui, parce qu'on a quand même 40 marches à gravir, donc il ne faut pas perdre de temps. Hein. Donc, Sous Hélène, elle n'a pas l'air d'être intéressée pour venir à la régie. Donc, en attendant, j'annonce quoi? On se retrouve arrive, la semaine prochaine avec d'autres infos. Et pour le moment, voici la voix, The Voice. Voici Sous Hélène qui va... Bah, c'est pas n'importe quoi. T'es quand même la voix de mes jingles, notamment. Donc, voici Sous Hélène. Je lui donne le micro et la table de mixage. Allez, il est 19h, c'est l'heure de passer à l'Académie Fadjet. La deuxième équipe s'avance, nous allons les accueillir. Voilà, ça s'enchaîne, hein, les directs, le direct le vendredi soir, ça s'enchaîne après Destination Série. Messieurs, dames, bonjour, asseyez-vous et c'est parti, Sous Hélène, quand tu veux. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. À table, il est 19h. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. Avec ce soir. Julien, vous le retrouvez chaque mardi dans la matinale 94 de Service Compris, où il joue avec les mots. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Manu, c'est le docteur Vince, le rêveur ou le fan de funk. Exactement. Fan de funk? Ouais, dans ton émission du... un peu, non? Ah, fan de... je ne crois pas que ce soit moi. Il y a peut-être un autre Manu à l'antenne. Ah, bon, alors je me suis trompé. C'est pas... Mais par contre, t'avais bon pour le docteur. Et le rêveur, ça le c'est rêveur, sûr. Exactement. Et alors, Seigneur Météo? J'ai confondu, effectivement, mais il y a quelqu'un qui a la même voix que toi, du coup. Hein. Eh ben, sans doute Brad Pitt ou quelqu'un comme ça, mais... D'accord. En tout cas, il officie à la matinale chaque jeudi, 94.2, Service Compris. Manu, bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci pour ton accueil, Benoît. Tom qui est le fils de Manu, ça je me trompe pas. C'est bien ça, c'est ça. Et qui quelquefois lui donne la réplique. Hein. Exactement. Voilà. Merci. On est vacances. Bonjour Tom. Bonjour Benoît. Et puis Alex, c'est l'ancien de l'équipe. Alex, il a été chroniqueur dans Multitude, puis le mercredi dans 94.2 Service Compris. Et depuis le printemps, il a sa propre émission. C'est vrai. Un vendredi par mois, le Shabbat d'Alex. Ouais. Et donc la moitié des personnes étaient presque là déjà vendredi dernier. Tous les trois, avec Fred, Maud et oui, Marion, Tom. Marion, vous trois, Margate aussi a déjà participé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Benoît, je suis très heureux de participer à cette émission, à ce jeu. Eh bien, comme si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, vous savez peut-être déjà comment ça fonctionne, mais en tout cas, je vous rappelle les règles. Bienvenue dans l'Académie Fadjet spéciale 40 ans, dans la tradition des grands jeux de l'Académie Fadjet pour les 40 ans de la radio. Direction la 40e marche. 40 minutes pour atteindre la 40e marche. Pour atteindre cette 40e marche, c'est facile, il suffit de répondre à des questions. 6 catégories qui rendent hommage de près ou de loin à notre station. Des questions solidarité, parce que Fadjet est un projet solidaire. Alors on pourra retrouver des grands projets de la maison ou des actions de solidarité à travers le monde. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté et particulièrement aux jeunes. Ces questions peuvent évoquer des temps forts vécus ici ou des actes plus généraux en lien avec le sujet. Des questions sur les émissions, parce que Fadjet, c'est plusieurs centaines d'émissions depuis 40 ans. On s'amusera à les reconnaître. Des questions cuisine, parce que Fadjet est aussi un lieu de convivialité qui passe par sa cuisine, ses repas passés ou présents. Alors, cette catégorie abordera des questions générales liées à la cuisine. Musique, des questions musique évidemment, parce que Fadjet, c'est évidemment des heures et des heures de musique de tous les styles et de tous les genres. Et enfin, des questions culture, parce que Fadjet, c'est aussi des partenariats avec des grands événements, le Jardin de Michel, NJP, etc. Alors on abordera dans cette catégorie la culture au sens large. Pour atteindre la 40e marche, l'équipe tire au sort des catégories, à minima une de chaque catégorie, mais peut choisir le nombre de marches à gravir entre des questions à 1, 3, 5 et 10 marches. Une seule question à 10 marches. Arrivé à la 40e marche, l'équipe entonnera la chanson finale parmi une liste définie, comme le veut la tradition de l'Académie Fadjet des années 2000. Voilà, donc la phase finale aura lieu le 18 décembre en public. Les deux meilleures équipes s'affronteront la semaine dernière. Pour ouvrir le bal, c'est l'équipe des durs. Ils avaient choisi ce nom-là. C'est les durs la semaine dernière qui ont réussi à gravir les marches en juste tout pile 40 minutes. Là, le top départ, ça n'a pas encore démarré, là, le chronomètre. Non, non, non. Ah, on est d'accord. Ouais. Heureusement. Ça n'a pas démarré. Et donc, voilà, est-ce que vous ferez mieux? Est-ce que vous ferez moins bien? On le saura dans 40 minutes. Avant de commencer, je vous ai demandé de m'apporter un disque, un choix. Alors, j'ai eu des idées, plein d'idées. Vous avez choisi? Oui. Alors, vas-y, Julien, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi Florida, le titre Right Round. Eh bien, on écoute Florida et ensuite, on mettra en route le chrono pour 40 minutes. Hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Geary, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And pop in the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin'. It's platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper plane's making a dance. Get dirty, I'm like, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, fire blazing. Hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer. Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. Beautiful to me. 19h, passé de 10 minutes, dans quelques instants, le compte à rebours, le chrono va se mettre en marche, pardon. On accueille également dans l'équipe, une équipe de 5 finalement, puisque Claire est là. Bonjour Claire, j'ai dit bonjour messieurs, dames quand tu es arrivée, mais je ne t'ai pas présenté. Bonjour. Bienvenue dans notre bonne, belle radio. Merci. Voilà, et on t'accueille avec plaisir et tu es donc... La compagne de Julien. La compagne de Julien. Non. Ouais. Pas qu'on a le droit de venir avec sa femme. Et il faut dire qu'ils sont ensemble depuis 16 ans. Ils sont beaux comme tout. Franchement, c'est admirable. Et si on fait les deux, ça fait Julien Claire en plus. C'est fou. Voilà, c'est ça qu'on va chanter. Californie. Bien. Ils sont chauds. Là, à mon avis, ça va être très chaud là ce soir. Votre nom d'équipe avant qu'on commence. Les MMJ. Les MMJ pour... Parce qu'il y a mardi, mercredi, jeudi, et ça fait aussi les meilleurs joueurs. Voilà. Eh ouais. D'accord. Parce qu'on aime la grammature. Après les durs, les MMJ. Il est 19h11. On met en route le chrono. C'est parti. C'est parti pour 40 minutes et je sors mes enveloppes et on tire une catégorie. Honneur aux dames, hein, même si... Allez. Des gentlemen. Claire, oups, c'est mis dans le sens là. Tu choisis une carte. Oh non. Ouais. C'est culture. Ah. Mince. Question culture. Bah pourquoi au nom ? Moi j'ai pas dit au nom. Bien la culture. Allez, une question culture. Alors, je vous explique. Hein. C'est moi qui ai fait les questions. Attends deux petites secondes. Ah. Ça veut pas partir. Question insertion. Ah non, c'était pas ça. Ah, c'est mort. Question culture. Voilà qui est mieux. C'est mieux, ça c'est mieux. J'ai fait les questions, mais je ne sais pas lesquelles je vais tirer puisque je les mélange à chaque fois. Donc c'est vraiment du pur hasard. Pur hasard, je ne sais pas quelles questions je vais vous poser. Et donc, je rappelle, parce que la semaine dernière, il y avait peut-être un doute, elles sont pas forcément, si vous prenez une question à 10 points, elle sera pas forcément plus dure. D'accord. Okay. Hein, c'est vous qui choisissez le nombre de points que vous voulez. D'accord. Donc, je prends la question culture, elle est là. Et vous jouez pour combien de points ? 5 marches. 5 points. 5 marches. Allez, 5 marches, c'est parti. Quel mouvement artistique est associé à Salvador Dali? Je crois que je sais. On peut demander aux autres s'ils sont d'accord. Oui. Vas-y. J'aurais dit le dadaïsme. Mais non, c'est. Si je crois que c'est. Non, j'ai un doute. C'est peut-être pas le dadaïsme. C'est pas ça. J'essaie de voir dans les yeux de Benoît si j'ai bon ou pas. Non, mais il y a un mouvement artistique dans la peinture et dans ce qu'il en a fait. Alors, si c'est pas le dadaïsme, c'est un autre. Non, c'est pas le. C'est dadaïsme. Pas un sur quelque chose. Surréalisme. C'est Dali. Lui qui avait fait les le logo de Chopin. Oui, l'horloge qui. Les montres molles, c'est lui qui avait fait. Les montres molles, c'est lui. Ah, c'est du surréalisme, ça, non ? On va passer pour des imbéciles devant la France entière. Oui, c'est clair. Écoute. Alors, attends, du coup... Au pire, on les perd pas, hein, les points, donc faut qu'on tente quelque chose. Dadaïsme, ça sonne mieux, je trouve, donc on part sur dadaïsme, non ? Ah bon ? Ouais, mais est-ce qu'on va vraiment écouter un gamin ? Ah, bravo, Julien. Depuis question. Le temps que je le dis à sa mère, il ne veut pas écouter ce qu'il raconte. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, Non, mais si c'est vraiment lui qui a fait les montres molles, c'est un peu surréaliste, non ? Il l'a peut-être appris à l'école, il a peut-être travaillé ça... Ouais, je sais, oui, c'est quand tu l'as étudié à l'école ? Totalement, oui. Pas du tout. Ouais, pas du tout, c'est ça. Claire, t'as des compétences artistiques, voilà, culturelles ? Pas du tout non plus, non. Il y a du sport, après, je crois qu'il y a des pompes à faire ou un truc comme ça. C'est culturiste, c'est une autre question. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, en fait? On y va, ouais. Bah, on part sur la première intuition. Attends, après, le surréalisme, c'était bien aussi, mais je me demande si c'est vraiment... Tu penses au dadaïsme, tu... En fait, je pense à ça, parce que ça me paraît très... Il y a Dali, dadaïsme, donc il y aurait un peu de... J'essaie de lire dans les yeux de Benoît. Ouais. Et alors? Benoît est illisible. Parce que il faut savoir que la semaine dernière, il a donné énormément d'indices à l'équipe des The One. Hein, touche-toi le nez si c'est la bonne réponse. Les durs. C'était The One au début et les durs après, ouais. Ouais, effectivement. Donc là, tu vois, je. Tu restes sur ta faim. Je reste pas forcément sur ma faim, mais. Faut faire un choix. Ouais, parce que l'heure tourne. Mmh. Ouais. Lindra, tête de tigre. Alors, combien ? Qu'est-ce qu'on dit ? La montre cool. Julien, tranché. Il a une lourde responsabilité dans la première question. C'est pas grave, ça tournera la qui responsabilité. Qui a tiré la carte ? C'est Claire. Claire. C'est Claire. Il y a Claire, le dernier vas-y. Mot. Fais ça. Dadaïsme, surréalisme. 3, 2, 1, Claire. Allez, dadaïsme alors. Non, mais c'est pas grave. Allez, on tente. On voudra pas. Alors, si Claire, elle peut parler en face du micro. T'es sûr ? Merci. T'es sûr ? Oui. Allez, on parle là-dessus. Tu valides cette réponse ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh, il n'y a pas Jean-Pierre. Je dois le retourner. Allez, on valide ça, puis on verra. Allez, on valide. Ouais. Donc, la réponse est... Dadaïsme. Oh, fais-le ça. Quelle technique. Il n'y a pas de suspense là-dedans. On s'est planté. Il faudrait qu'on fasse un autre geste. Ouais, il faut qu'on fasse un autre geste. Ouais, avec les yeux. Avec le oui, un clin d'œil. clin d'œil gauche ou droit. Il fallait choisir l'autre. C'était réalisme. Ouais. Ah, punaise. Ah, mais oui. La prochaine fois, vous m'écoutez. J'ai tenté de vous aider, hein. J'ai essayé de vous dire c'était sur ta réponse, mais bon, c'était le surréalisme. Bon, bah, Claire, la cotise, c'est le double. En plus, Julien avait raison. Une fois. C'est bien la première fois en 16 ans. À chaque mauvaise réponse, j'enlève un vêtement. Ah ouais, voilà, on va tout de suite donner les bonnes. Hein. Allez, on continue. Allez, n'enlève pas le slip, Alex, arrête. on se refait. Alors après, allez, Julien, vas-y. Allez, let's go. Tire bien, Julien. Cuisine. Oh, on peut peut-être tenter. Si, ça devrait être bien. Ah oui. Bon, au moins 5 points. Question. Mais, 5, c'est cuisine. Sûr. 5 points. Allez, une question. Cuisine. Je suis entouré de cuisiniers, moi, le mardi. Vous reprenez 5 points. Allez, 5 points. Vous apportez chance la première fois. Alors, ça devrait aller là. Mais attends, il faut réfléchir un peu. Il y a peut-être un piège. Quelle boisson chaude est la plus consommée dans le monde après l'eau? Attends, c'est peut-être un piège. Hein. Boisson chaude. Bah, de prime abord, on a tendance à. J'aurais dit le café. Non, on va pas dire le café, mais on va se gourer. Moi je pensais plutôt au thé. Ouais, chaud, moi, j'aurais dit thé aussi. J'aurais dit thé aussi. Surtout dans les pays un peu. Pays maghrébins, peut-être aussi Asie. Même Amérique latine, non, ils sont pas plutôt thé et matcha. Si, oui, si. Si, ouais, si. Je sais pas. Allez, thé. Vas-y, Julien, c'est toi qui as tiré, tu... Allez, vous êtes tous d'accord? Oui. Allez, on valide T. Ah, yes! Bravo, Julien! Effectivement, il y avait le piège du café. C'est vrai qu'on a tendance à se dire tout le monde boit du café, mais non. Donc, tu nous as un peu aidé en disant qu'il y avait un piège. Ouais, mais là, t'as dit à part l'eau. Oui. Il pouvait y avoir un piège. Mais... T'as dit à part l'eau, mais le thé, c'est de l'eau. Oui, non, bah non. Oui. Elle est chaude. Oui, bah oui. Parce qu'on l'infuse. Aromatisé. Non, vous trompez. Parce que la bière, dans ces cas-là, c'est de l'eau aussi. Hein. Quoi? Mais c'était chaud. Enfin bon. Ah bon, pardon. Ah, la bière chaude. 5 marches. Voilà, ça y est, on décolle. C'est bien. On continue. Allez, hop. C'est à Alex. Allez, hop. J'ai choisi le thème émission. Une question. Voilà, émission. Question. Émission. Allez, 5 points de toute façon. Hein. Oui. Qu'on les ait ou pas, il faut avancer. On veut être plus rapide que les nulos. On tombe pas sur des questions audio pour l'instant. Comment s'appelle l'émission, alors attention, qui donne la parole aux jeunes? Les podcasts de Charlotte. Alors attends, parce qu'il y a plusieurs trucs qui donnent la parole aux jeunes. Il y a le menu étudiant. Alors, on est vraiment pour les. Ouais. Après, elle est tout petit. Et alors attends, qu'est-ce que donc parce qu'il y a les podcasts de Charles III. Ah oui, il y a les podcasts de Charles III. Alors qu'est-ce que t'entends par jeune? Ouais, il faut nous aider parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. C'est un peu, je rappelle. Est-ce qu'ils ont la majorité plus de 15 ans? Parce que même Europe and Roll, ils sont, étudiants de Sciences Po. Oui, non, là c'est ils ont déjà des grands cheveux. Nous-mêmes, on approche ou on a dépassé la quarantaine, on est jeune. Tout à fait. C'est beau ce que vous dites. Petite larme pour moi. Est-ce que Tom est dans l'équipe des jeunes? Oui. Ah voilà, voilà, c'est un indice ça. Oui. Donc ce serait plus. Alors il est pas si petit que ça, mais ça aurait peut-être été quand même plutôt les podcasts de Charles III. Je dirais les podcasts de Charles III. Moi. C'est à toi de. On n'a pas choisi le nombre de points qu'on voulait, si. On a dit 5. Allez, les podcasts de Charles III. Et si vous êtes OK, on. Ouais, moi je. Allez, on valide. On valide. Confiance. Oui, vous êtes sûr donc. Oui. Oh, quoi? Bah. Maternelle, c'est quoi avant? Attendez, la vraie question. Tu me donnes quel âge? Parce que là. Non, c'est l'émission, ça s'appelle À vous l'antenne. C'est les mercredis à 16h30. Et donc, c'est les jeunes en général, hein, aussi bien ton âge que les plus grands. Ok. On a été induits en erreur. On a été conduits en erreur, je rappelle. Non, c'était pas. J'ai dit non, c'est pas le type d'émission spéciale comme Europe and Roll. Ok. Bon, admettons. Bon, après, là, c'est pas toujours. Oui, on s'est fait entourlouper. Je partage votre point de vue, Julien. Bravo. Allez, on continue. Allez, on passe à la suivante. Manu. Alors, c'est moi qui tire au sort. Ça sera la question musique. Allez, Manu, là, il faut. Il change jusqu'à maintenant, j'aimerais bien que ça change. Si c'est musique, on tente les 10 points. Oh, musique, musique. 10 points, les gars. Allez. 10 points. Musique, ouais, 10 points. Allez, 10 points. Allez, let's go. Question si musique. Mort, yeah, excellent le jingle. Alors. Ah, oh, c'est facile. Ah, bah. Oh, yes. Attends, Whiz. Moi j'attends la question parce que des fois. Lundi, on s'en est. Là, j'ai pas. Bon, tant pis. Qui est surnommé la reine de la pop? Patrick Sébastien. Mais non, pas Patrick Sébastien. La reine de la pop, c'est Madonna. C'est Madonna. Oui, bah oui, Madonna. C'est pas Lady Gaga. Mais j'espère qu'elle n'a pas été remplacée par Beyoncé ou Lady Gaga, effectivement. Beyoncé. Non, pour moi, Beyoncé, c'est comme Queen le roi B, de la pop. Il y a, on va pas dire c'est que Michael Jackson. Que des vraies légendes. Ça serait Madonna. Vous pensez à quoi, Madonna, premier, Madonna. Abord, hein. Bah, j'aurais pensé moi, Madonna. Madonna. Mais attends, la reine de la pop. La pop, c'est vieux, la pop. Hein, parce qu'aujourd'hui, t'écoutes encore. Est-ce que pop récente ou pop actuelle? La reine de la pop. Et il a dit la c'est reine. Facile. Bah c'est Madonna, ouais, c'est je pense. Ouais. Ça nous il y a beaucoup plus de vieux ici, je pense pas que ce serait quelque chose de récent. Merci, oh là là, ça balance. Tu vas retourner faire les émissions avec les Milo là, vous l'entendez. Tu... Donc allez, on va dire c'est Madonna. Ouais, Madonna. Je valide Madonna, la reine allez. De la pop. Aïe. Ah c'est ah. Yeah. Le petit coup de tête. On est déjà à 15, voilà. On est à 15 là déjà. Il faut peut-être là, c'est bien, faut que j'arrête de dire si c'est facile ou pas. Ouais. J'avais pas noté, ils avaient pris combien de points? 10 points. 10 20 points. 15, 20 points. Et 10 points pour Gryffondor. Bravo. On est à 20. Yeah, ça c'est grimpe. Bon ça c'est bon. On est à 20. Oh là là. Wow. Allez, on reste concentré, on est bon les gars, super. Et clair. Ce n'est tout autre que insertion. Il restait plus que les catégories insertion. Question insertion. Oh, il est vraiment bien. Jingle. Allez, 5 points. Sans surprise. Bah oui, 5 points. Ah oui. C'est encore oui. Une question. Pas d'indice. Hein. Ouais, oui. Pas d'indice. Quelle entreprise américaine a installé un mur de sieste pour favoriser l'insertion des jeunes? Entreprise américaine, bah. C'est sûrement Google, peut être Meta ou un ouais, truc ça peut être un truc comme ça. Amazon, Google, les trucs ça. Ah, peut-être Amazon, hein. Amazon, oh, non. Ah ouais. Je suis moins sûr. C'est peut-être pas. Peut-être Apple aussi. Ah ouais. Ah oui, peut-être. Moi, éducation nationale. Ah. J'aurais dit Google, là, pour le coup. Google aussi, comme Claire. Google, je le sens bien, mais... Ouais, ah, c'est, ouais c'est, c'est l'entreprise on de vote. La tech. Allez. On vote. Qui allez. Pense Google? Pas moi. Allez, ça bon. Pourrait, ouais, oui, je vous bah, suis. Bah, je vous suis. Ah oui, carrément. Donc, allez, go. Le vote est très rapide. Ouais, non, mais on traîne pas ici. Il n'y a pas de débat, attendez. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Quelle entreprise américaine a installé un mur de sieste pour favoriser l'insertion des jeunes? Comment ça favorise l'insertion, un mur de sieste? Bah, c'est pour des gens, c'est pour dormir debout, du coup, si c'est un mur. Bah là, non, en tout cas, un c'est mur, une question à dormir un debout, oui, ça, effectivement. Ouais. Non, pas bah, Disney, je pense pas. Bah, on allez, vas-y, réponds la question. Si c'est pas bon, de toute façon, je te... Ah non, j'ai pas le droit de l'étonner. On va pour Google ou pas? Quoi, t'as dit quoi? Est-ce qu'il y en a qui a d'autres idées que Google? Non. J'aurais bah pensé non. À Meta aussi, mais peut-être plus Google. Meta, c'est moins connu. Est-ce que c'était il y a longtemps qu'ils ont fait ça, ou est-ce que c'est assez récent? C'est assez récent. Voilà. Vous êtes pas plus ou moins 50 ans. Voilà. Ah, il y a Apple aussi. Il y a Apple, hein. Apple. J'ai dit Apple, mais... pense aux jeunes à ce point-là, je sais pas. Après, il y a Alex et Claire qui leur est venu Google tout de suite. Ouais. Allez, on fait ça. Allez, fait va ça. De toute façon, on saura va pas plus Google. En... On valide tu Google. Tu sens que dans son c'est faux. Google allez, allez, on verra. Au pire, on s'est trompé. J'ai vu les yeux de Swayne, c'est faux. Ah oui. Oui, c'est... Bravo. Ah, canon. Oh là là, c'est beau. On est vraiment une bonne équipe, je pense. Oui, là. On va gagner, on va 20 revenir. Points et ça fait 13 minutes qu'on joue. Ah ouais, on a c'est bon. On n'a pas 25. Bah non. Bah si, non, là, on a 25. On a pris, 5 points, on avait 15, donc ouais. Là, on est à 20. On est à 20 points. Ah ouais. Oui. Mais c'est pas, on allait mettre des points. Ah bon, d'accord. Mettre Capello. Ça, c'est des marches. Ouais, des marches. Des marches. Bon, il ne reste plus qu'une, donc forcément, hein, c'est une question solidarité. Alors, attends. Pas très question solidaire, solidarité. Alors on vous écoute, Benoît. On joue avec une émission de la radio. Solidarité en question. Fenêtres ouvertes sont des émissions qui ont leur importance sur Fadjet. Quel était le but de ces émissions et quels en étaient les participants? Alors là, c'est pour les calés, ça. Fenêtre ouverte et solidarité en question. Et là, c'est fou parce que si je suis le plus ancien joueur autour de la table, je ne connais pas ces émissions. C'est ce que ça. Alors, c'est des. Elles sont arrêtées, celles-ci. Là, c'est des. Comment des. Les... Des pastilles. Des épisodes. Enfin, ouais. Des épisodes, il y en a eu plusieurs, mais voilà, elles n'existent plus actuellement. Parce que la semaine dernière, on parlait de. Tu sais, les courriers qu'il y avait aux détenus. C'était Parole d'Outremur, ça. Ah, voilà, d'accord. Donc, c'est pas ça. C'était, ouais, effectivement, Parole d'Outremur. C'était. On a caché la lime dans le gâteau marbré, etc. Mais là, c'est. Là, c'est autre chose. C'est donc alors. Moi, je sais pas. Hein. Franchement, je vous le dis. Fenêtre sûre. Fenêtre ouverte. Et solidarité en question. Et vous pouvez répéter la question. Alors, ça existe encore. Hein. Ça existe encore. C'est une sorte de partenariat. Qui anime ça? C'est Yves. C'est les permanents de la radio en règle générale. Ok. Plus Aurélie. Ouais. C'est peut-être le moyen de. C'était quoi la question? C'est à quoi ils servaient en fait? À quoi ça sert? Le but de ces émissions et quels en étaient les participants? Bah, les associations et pour les mettre en lumière ou pour partager leurs événements. On valide. De toute façon, faut qu'on change. Oui. On te suit. Il a eu une micro-expression qui avait l'air d'être d'accord avec ce qu'on disait. Oui. Enfin, c'est un peu vague ce que tu dis quand même. Bah, dis-moi comment tu voudrais que je le précise. Comment tu l'aurais formulé, toi, Benoît, la réponse? Je vais te donner la réponse. Qu'est-ce peux-tu que tu nous donner un intitulé bon, après, clair, ça va. On est dans la solidarité et dans l'insertion. Donc, si on est. Ah, c'est peut-être pour des détenus, des anciens détenus? Pour les réinsertions. Ah, pour la réinsertion non, des non, détenus. Non, mais oui, enfin. Quel public? On va essayer de trouver le public déjà. Quel pourrait être le public. En réinsertion. Peut-être. Bah les tiges, c'est d'emploi, des peut-être. Oui, aussi, bah j'aurais dit ça. Dans ce sens-là. Ouais, j'aurais dit demandeur ça. D'emploi. Alors. On se rapproche. J'aurais dit ça moi. Ouais, ben. Alors demandeur d'emploi, allez, on continue de creuser un peu. Je suis David Claire, moi personnellement. De longue durée. Les financements, ça vient où? Voilà, c'est une émission qui était financée donc. Par la mission locale. Alors non, pas vraiment. Pour les chômeurs en fin de droit. C'est pas qu'est-ce non plus, on n'y est pas loin là. Il manque plus qu'une catégorie. Bah, les titulaires des minima sociaux. Ouais, c'est-à-dire peut-être aussi la RSA. Les... Voilà. Ah, ouais. C'est ça. Bon, on a gagné alors. On a gagné. Soumets la musique qu'on a gagnée. J'attends le signe. J'attends la validation. Oui, vas-y, tu peux mettre. Là, on est à 25. Je vous explique un peu ce que c'est. Hein. Donc, c'est Radio Fadjet porte des actions support en direction du public allocataire du RSA. La première action, ça a été la réalisation d'émissions nommées Solidarité en action et Fenêtre ouverte. L'objectif de ces émissions était de promouvoir des actions d'insertion du service territorial insertion du territoire du Grand Nancy et de communiquer sur des projets d'artistes allocataires du RSA. C'est-à-dire que c'était des gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux et qui sont venus ici faire de la radio. Ok, bah, oui. Effectivement, pour le donner l'intitulé exact, ça aurait été compliqué. Heureusement que tu n'attendais pas ça. Mais merci beaucoup pour ta clémence. Je cherchais au moins le côté, voilà, les bénéficiaires du minima sociaux. C'est totalement réussi, félicitations. Ce que vous avez réussi. Et moi, j'ai envie de dire, plus j'en apprends sur Fadjet, puis je trouve que c'est une radio géniale quand même. C'est vrai. Oui. Est-ce que t'as les applaudissements en... Moi j'ai le jingle applause dans mon émission, hein, je veux juste le dire. Attends, je vais chercher. Et ces différentes modalités d'accueil permettaient aussi à travers la découverte de l'outil radio de reprendre confiance en soi et d'approcher une démarche participative et du bénévolat. Bah, c'est chouette. C'est une super initiative. C'est la première question vraiment solidarité Fadjet maison que l'on a depuis le début du jeu. Et c'est là où on peut dire que Fadjet, c'est plus qu'une radio. Exactement. Et ça vous rapporte, vous étiez à 25 points. Là, on est à 25 points. Et nous sommes donc à 25 points. Il est 19h28. On est à peu près presque à la mi-temps. Ah, bon, c'est pas mal. On refait un tour, du coup, comment ça se passe? Ouais. Et oui. Oh là, c'est reparti. Génial. Oui, parce que en fait, la semaine dernière, l'équipe, ils ont fait juste le tour des thèmes au bout de 35 minutes. Hein. Oui, vous êtes en avance, si c'est la question. Il n'y a pas de. Soyons. On a pas à jeter. Tu ne serais pas en train de te moquer un petit peu. Ne soyons pas trop vaniteux. Mais je pense que la semaine dernière, ils ont envoyé des petits pics à ceux qui les succéderaient. Donc, moi, soyons vaniteux. Alors, ouais. Allez, Claire, on reçoit. C'est reparti, mais il y a quelqu'un qui n'avait pas tiré avant. Si, tout le monde a tiré. Tout le monde a tiré, allez, vas-y. C'est reparti. C'est reparti. Le même qu'avant. Cuisine. Cuisine. Ça, c'est bien. Question cuisine. C'est parti. Le bonjour à Rémi, s'il nous écoute, tiens. Une sauce chasseur. je sais que c'est facile. Allez, on est parti. Là, je pense que j'ai même pas de signe à faire. Attends, on n'a pas choisi les points, mais... Ouais. Oui, c'est 5. On part 10, du principe. Il n'y a qu'une seule question à 10. Les yeux à la coque. On ne peut plus prendre 10. C'est parti. Les yeux à la coque. Les yeux à la coque. Allez, c'est parti. Alors, combien? Oui, tout à fait. Bon, question suivante. Ça marche casse. Allez, alors là, c'est... Bon. C'est donné. Quelle est la capitale mondiale du champagne? Bah. Non, attends. Non, en fait, pas le truc, c'est que ça paraît tellement évident. C'est pas bas. C'est tellement évident qu'on va dire Reims. Mais en fait, on pourrait se dire, ça se trouve, c'est pas ça encore. Mais là. Moi, je ne dis rien. Bah, c'est Reims. C'est en Champagne. On est d'accord. Bah, en Champagne-Ardenne, oui. Ça vous semble logique également. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors? Ouais. C'est bien, ouais. Ça veut dire qu'il en boit pas. Ouais, c'est bonne nouvelle. Alors là, je vois pas comment. Si c'est autre, si on me dit que c'est Ouarzazate ou autre chose. Déjà, ou... c'est pas possible puisque il y a une réglementation. Seuls les vins mousseux qui sont produits dans la région de Champagne peuvent s'appeler Champagne. Tout à fait. Avec certains cépages, j'ai vu un reportage même ce midi à ce sujet. Exactement. Incroyable. Tout à fait. Wow. Et ben alors. C'est clair, à toi de donner la réponse. Reims, on valide. Allez. Allez, on valide. On valide Reims. Pour Reims. Ouais. On sent qu'il y a des alcooliques dans le groupe et ça, c'est vraiment une bonne ambiance. Ce gamin est fou, c'est incroyable. Non, mais on aime ce qui est bon et à consommer évidemment avec beaucoup de modération. Voilà, pas plus de 7 bouteilles par personne. Exactement. Par année? Oui, tout à fait. Bravo, Swalen. Oui. Heureusement que vous êtes là. C'est bien rattrapé. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Oui. Très bien. Bien dit. Et là, on ne boit que de l'eau ici. Alors, on a 30 points là déjà. On est à 30 points. Oh là là, on carbure. Super bien. Ouh là là, il y a Fred derrière sa radio qui doit se dire oh là là, ça sent le rousse. On est en finale. Mais non, mais pas encore. Attendez, oui, parce que. Ils sont fous. Allez, Julien, c'est à toi. Allez, c'est reparti. Pas. Musique. Yeeha. On se gagne. On va toujours 5 points. Question musique. Oui, hein. On reste sur 5. Et que chacun se mette à chanter. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ah. Allez, il y a un truc fraîche. Audio ou toujours pas? J'ai fait ce matin. Il y a toujours pas de truc audio? Si. Ah. Ah. Le 32. 32. Elle est toute fraîche, je l'ai faite ce matin. Ah. Alors, allons-y. Attends, que je prenne la question et pas la réponse. Alors. On écoute, ok. Ouais. Et on complète la phrase. Ah, attention. Ouais, ça, c'est n'oubliez pas les paroles, ça. Toi. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est pour vas-y. Alex. C'est bien pour Alex. Il faut pas qu'elle soit trop récente, du coup. Là, pour être récente. Mince. C'est Ayana Kamura. Allez, attention. On écoute. Tu m'as trop souvent dit que t'aimais mes yeux, que t'aimais nos nuits. Maintenant, j'ai l'heure. Le mascara décolle, tu m'y as fait croire, mais t'es qu'un. C'est facile. Fallait trouver le mot qui manquait. Non. Ce que je veux dire. Moi j'ai appris que j'irais mieux, mais là j'ai trop le seum. Mais je suis bien trop jeune. Moi je nous trouvais trop beau, mais t'es qu'un. Pour les chiens. S'il y a une chose que je veux retenir, c'est que pour aller mieux, faut savoir finir. S'il y a une chose que je sais trop bien, le reste est fait pour les chiens. Attention, ça arrive. Tu vois, t'as tout perdu, ta vie, nos amis, ça confond. Oula! Faut terminer la phrase. Le coup de frein à main que tu mec. Oh la vache! Chanson à la main. Parce qu'en fait, moi j'étais content, j'avais trouvé le premier mot. Mais... Cruella, est-ce que je pourrais avoir la phrase d'avant, s'il vous plaît? Ah ouais, bonne idée. Ah ouais, parce que là, effectivement. Il y avait quelque chose avec la liberté. Oui. Est-ce que vous avez déjà reconnu la chanteuse et la chanson? C'est Louane. Bien sûr que non. Louane, oui. C'est Louane, ok. Mais la chanson est sortie il y a vraiment pas très longtemps. Elle est sortie, oui, hier. Il y a une quinzaine de jours. Hier. À peine. Je nous demande de trouver un mot d'une chanson qui est sortie il y a 15 jours. Du deuxième couplet. Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a. Ou... Alors, il y a du sens si vous savez le titre. Mais on peut avoir la phrase juste avant ou pas? Sous Hélène. Là, en train de siester. La phrase qu'on cherche. La phrase qu'on tu cherche. Tu mangeras après l'émission. Hein la phrase qu'on cherche commençait par j'ai fait. J'ai fait. Et donc il faut qu'on trouve quoi? Juste un mot? Ouais. J'ai fait. T'as un tatouage. Mets les dernières secondes. Ouais. J'ai fait. Elle nous remet les derniers. Ok. Merci. Merci. Rappelez, remets peut-être le refrain pour qu'ils voient déjà. Je sais pas où était le titre. Bah, un petit peu avant. Bon. Oui, allez. Okay. Allez. Allez. Faut savoir finir. Voilà. Faut savoir finir. C'est fait pour les chiens. Alors, les restes, c'est fait pour les chiens. Les restes, c'est fait pour les chiens. Oui. Donc le titre, c'est chien. Croquette. Chien. Donc c'est chien. Mais attention, oui. C'est une race de chien. On part de chien, mais c'est pas forcément des chiens. Métaphore de Labrador. Ok, on parle de sûrement de mecs, peut-être. Ouais. Bah non, parce que oui. Alors oui, parce qu'elle en parlait avant. Oui, c'est sans, sûr. Sans mais se cacher. Elle joue avec les animaux. Donc il y a un champ lexical du chien. Alors. C'est les loups, J'ai fait la belle où j'ai. La belle et le clochard. Mais oui, parce qu'il y a le art de du mot qu'on n'a pas le droit de dire à l'antenne. Avec un C. Ah oui, d'accord, oui. On va bah oui. Et là, la belle et le clochard. Là. Je pense que Alex tient quelque chose. On va peut-être écouter la suite. Oui, allez, oui, écoutez la suite. Ah. Je fais la belle et tu fais le clochard. Tu vois, t'as tout perdu, ta vie, nos amis, ça confondu, voulant la liberté. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait, j'étais... Je fais la belle et toi tu fais le clochard. J'ai fait la quoi, belle, j'ai fait ton. J'ai fait ton, parce que c'est ton, hein, donc ça peut pas être belle. J'ai fait ton. J'ai fait ton... Ton mayonnaise. J'ai fait ton... J'ai fait ton ou j'ai fait ton? J'ai fait ton. Et en plus... J'ai fait ton. Et je pense que ça finit en « et » si c'est une rime. Mais, bah oui, c'est à mon avis... Qui a écrit les paroles de cette chanson? Louane. Non, c'est pas Louane. Jean. Jean-Loup Dabadie. J'ai fait ton caniche, non? Ça ton peut peut-être caniche. Aller, caniche. J'ai fait ton caniche, genre elle l'a suivi comme un toutou, j'ai fait ton caniche. Ah, je sais pas pourquoi. Toutou, ça j'ai fait ton toutou. J'ai fait ton toutou. Moi, je sais pas. Chien toutou, regarde, il a l'œil qui frise en avant. Mais, non, mais elle a quelque chose. Je dis, elle a quelque chose. Je sais pas, je trouve ça rime. Ton mécan. J'ai fait ton toutou. Ah, elle a dit ton petit chaton. Ton chaton, c'est ça qu'elle a dit? Qu'est-ce que t'as fait là? Sous Hélène a bugué. Bah du coup j'ai entendu la réponse. Bah oui, non, j'ai fait ton petit chaton. J'ai fait ton chaton. T'as mis la suite. Mince. Mais non. J'ai cru que j'avais mis... Sous Hélène a bugué. J'ai voulu écouter pour... Merci beaucoup. Merci Sous Hélène. Bon bah 5 points pour ça. Ça fait 5 points pour Soleil. J'ai voulu faire une écouter dans mon casque pour avoir la réponse et j'ai mis le mauvais Faut appuyer sur Q. Non, j'ai fait sur player 1 et non cartoucheur. Alors moi je me souviens des paroles, j'ai fait ton petit chaton. Exactement, ça et n'hésite revenu. Pas à mettre le bruit de la musique quand on a une bonne réponse. Ouais, mais là c'est pas vous qui l'avez là, donné. Je mets rien. Elle est un peu dans notre bravo, équipe. Désolé. Là, en tout cas bravo Soleil, merci. Voilà, donc elle tenait quelque chose, hein, parce que c'est pas ton petit caniche, mais et bon, je vous avais aidé, mais c'est pas forcément le titre chien, mais c'est le contraire. Elle a joué avec le chien, et le contraire. Souvent, l'opposé du chien, c'est le chat. Dur à trouver, si tu. C'était quand même un peu difficile, je reconnais bien l'avouer. Exactement. Bien. Donc maintenant, vous saurez qu'il y a un petit chaton dans la chanson Chien de Louane. Ah bah maintenant, on va plus l'entendre pareil. Hein. Voilà, c'est ça. On attendait les démons de minuit ou un truc comme ça. Donc là, du coup, on en est toujours pareil, hein, parce qu'on va pas. Bah hein, non, c'est... Non. Bon, par contre, cette histoire, vous plaisantez, j'espère. Alors, du coup, est-ce que tout le temps de la question a décompté? Ah oui, est-ce qu'il y a un huissier de justice? Oui, à quelque part, nous, on n'y peut rien. Ou t'es parce que vous aviez de l'avance, il fallait trouver. Ah oui, d'accord. Ouais. Le hold-up. On était dans la compétition. C'est une parodie de justice. Par contre, on peut retirer une musique. Par contre, voilà, vous avez droit à une autre question de musique. Ah, bah, on veut bien. Alors, c'est parti. Allez, on se reconcentre parce qu'il faut qu'on performe un peu, là. Ah bah, quelle est la suite de la chanson de Louane? C'est marrant, j'ai tiré les questions que j'ai fait aujourd'hui. Mal mélangé. Alors, c'est 31 maintenant, alors attention, on se concentre sous Hélène. On se concentre. Bah, de toute façon, 31, j'ai que la question. C'est encore un oublié, pas les paroles. Oui, oui, donc, c'est vrai. Comme alors, ça, c'est la il n'y a pas de qu'avant. Réponse. Je vous demande de vous concentrer. Ok. Ah, okay. C'est quelque chose qu'on sait faire. Et d'écouter. Alors, la chanson, le titre, c'est une chanson qui est sortie ce matin. Donc, mais ça n'a pas. Ça n'a aucune. Ça n'a aucune importance. Ok, il faut écouter ce qu'il se dit. Ok, il va nous poser une question sur ce qu'il va dire. C'est une chanson de Franck le Boeuf. Franck le Boeuf, oui. Clénard qui vient de sortir son single qui est plutôt sympathique. Franck, c'est le Franck de la Starac. Comme la Starac reprend demain. Okay. Ah, il a sorti son single aujourd'hui. Ça s'appelle, Morpheus. Ah, allez. On écoute. Et après, je vous pose la question. Ok, okay. Allez, concentrez-vous. Maman, ton fils a fait des choses dont il n'est pas très fier. Maman, tu voulais pour moi des roses, le monde et l'univers. Maman. Et j'ai croisé mes névroses au détour de mes rêves. Je crois que j'en suis la cause. J'ai parcouru la terre sans être alerte du temps qui passe. J'ai fait ce qu'il fallait, hein. Partir sans me retourner, sans me rendre compte de ce que j'ai pu repousser. J'ai agi sans trop écouter. J'ai voulu partir loin d'ici. J'ai voulu tout changer. J'ai couru après la lumière en flirtant avec la lune. Mais c'est seul face au monde que j'ai su pourquoi. Pourquoi je suis comme ça. Allô maman, je ne dors plus la nuit. C'est donc ça le prix. Allô maman. Ah. Alors, est-ce que vous voyez la question arriver? Oui, quelle est la couleur de la mémé? En tout cas, je trouve que c'est une belle chanson. Oui, c'est très jolie. Il a une très belle et voix. Ça nous fait perdre du temps. Allez, on y va. Mais, oui. Quelle est la question? C'était amusant parce que les deux garçons, là, ils avaient les yeux fermés, ils étaient concentrés. Je mise sur Alex ou Julien pour la réponse. Bah, sur Alex, mais moi, en fait, c'était juste une micro-sieste. Combien de fois Franck oh, dit maman. A-t-il maman. Dit maman. Oh là là, le bourbier. Mon Dieu, mais je n'ai pas compté ça. Et moi, j'étais six concentré fois. Sur ce qu'il disait. Il a dit six fois. C'est prochaine question. T'as compté maman dans six le chabat d'Alex. C'est marrant parce que tu vois, j'ai pensé à toi en faisant la question et c'est bien que tu vois, le hasard a fait qu'elle soit tirée. C'est six fois. T'es là. C'est six fois, six fois. Ouais, mais il l'a dit que au refrain. Ah non, il a dit. Non, il a dit au début, il a dit. C'est bête, là, des choses que ton fils a fait. Allez, on vote pour six fois. Je pense même que c'est peut-être plus, mais j'en sais rien. Allez, on valide. 7 comme les nains. On perd pas de temps. Allez, 7 comme les nains. 7 comme les nains. Si c'était 6. Bah, si c'était 6. C'était 227. C'était 5. C'était loin. On était impressionnés. Il l'a dit 3 fois au début. Allô maman, maman. Et dans le refrain, il le dit 2 fois. Ah ouais. Je préférais la question sur les chatons. Donc voilà. Bon, pas de question musique. Donc on en est toujours à combien? Bah, 30. 30, ouais, il nous manque. Il manque 10 points, là. Il nous reste combien de temps? Combien de temps on a? Alors, 8 minutes. Il reste 8 minutes et 25 secondes. Oh là là. Allez, les gars, allez. Hein. Allez, l'équipe. C'est à cause de Luan, ça. C'est à cause de Luan. Exactement. Alors, on y va. Attention parce qu'il y a des. Il n'y a pas de baie dessus. Il y a Fred qui vient aux nouvelles. C'était à qui? C'était à Alex. Vas-y, Alex. Allez, hop. Allez. Allez. Solidarité. Allez. Question solidarité. On n'a pas de baie dessous? Si, si, mais il y en a qui me gênent. Bah, mais dehors, j'étais là à l'extérieur. Si, c'est que ça. Alors, allons-y. Bon. Quel est le jour international du bénévolat? Ça, c'est pas simple. Alors là. Mais nous, c'est tous les jours. Quelqu'un a une idée, sinon on donne une date au pif et on change de question. Donne une date au pif. Allez, le. 19 avril. Ça doit être bientôt ou c'était avant. Je sais pas. T'as dit quoi, toi? 5 décembre, je pense. Moi, je pense que c'était en septembre. Moi, je dirais que c'est en septembre parce que, en fait, Benoît, il a écouté la radio les dernières semaines. Donc, ça m'étonnerait pas que ça soit en septembre. Septembre. En plus, c'est pour la rentrée, les gens se remettent dans du bénévolat, etc. 28 septembre. Le plus tôt. Plutôt, le 14 septembre. Le 21. Le 14 septembre. Le 14 septembre. Bah, on part là-dessus, toi. On valide le 14 septembre, de toute façon. De toute façon, oui, oui. T'imagines, on tombe dessus. Très dur comme question. C'est énorme. Il cherche. Je me rappelle. Et on perd. Non, mais parce que. Non, mais je voulais vérifier un truc. Sors, t'as plus de temps avec l'épsi. Non, mais. Ça me gêne. On n'a pas. Oh non, ça se joue à un jour près, un truc. Non, mais. Vous êtes sûr de votre réponse? Il avait dit 19 avril, le petit. On est sûr de notre... Ben... Il y en avait un qui avait dit la bonne réponse? Bah, j'ai le 21, voulu... le 21. J'ai voulu vérifier parce que je croyais que la réponse était bonne. Le 21 septembre. Est-ce que... Alors, je crois avoir entendu la bonne réponse. Ben, je pense que c'est le 21. Ça dépend, il a t'as commencé à chercher à quel moment? À la fin. Voilà. La 21 septembre. Moi, j'avais dit 21 septembre. T'avais dit 21, j'en sais rien. Moi. Franchement, si tu tombes dessus, je te ferai un McDo. Ok, 21 septembre. Et on fait confiance à toi. Allez. 21 septembre. Ah, je pense qu'on... Aïe. Ah mince. Allez. Ah, c'était le 28. 28. Ah, c'est le 28, t'avais dit. Ah oui, j'avais dit 28. Je te ferai un McDo à toi, tant pis pour le gosse. Ça va, Claire? Oui, ça va. Tu te sens bien? C'était le mien? C'était quoi, Claire? Je te demande si tu te sens bien. C'était combien, Claire? J'avais dit 5 décembre. 5 décembre? 5 décembre. Bravo, Claire. On applaudit, Claire. 5 décembre. Non, mais c'est un piège. Vous validez ça? C'est pour le temps, c'est pour le temps perdu. Allez, on valide. C'est pas ça. De toute façon, c'est pas en vrai. Les Claire, c'est pas ça. Tu gagnes un McDo. Alors? C'est ça. Respect. Elle l'a sortie d'une c'est manière historique. Ouais, genre, spontanément, mais c'est pas le 5 décembre. Ta cotise, incroyable. Elle est offerte. Franchement, là, c'est ensemble, plus double, là. C'est énorme, sincèrement. Bravo. Une chance que là, bravo, quoi. Tu vas lui offrir plus qu'un McDo, rassure-moi. Mais oui, là, c'est bien plus. Tu peux la demander en mariage direct, mon gars. Tu vas déjà être un genou par terre. Moi, je serai à ta place. Ah oui, bah là, je viens de m'empêtrer dans une situation. Allez, les gars, on se ressaisit. Il nous manque une question, 5 points. Incroyable. Bien fait de l'amener, Julien. Ah bah oui, bravo Claire. Il a quand même quelques points à son actif. Bravo Claire. On peut peut-être gagner là. Allez, je continue, on y va. On n'est plus qu'une, allez les gars. Allez, on allez, on est à combien là? On est à 35. Alors attention, hein. Il faut un tout pile, hein. Donc bah oui, c'est 5. C'est 5, 5 ou rien. C'est moi qui l'attire à la place du vieux. Oh. Un peu de respect. Non, culture. Allez, on fait vite. Allez, culture. Question culture. Et c'est encore une question audio, ça, on n'a pas eu beaucoup, tant mieux. Ah, ah j'aime bien. C'est les plus durs, Swellen. C'est de la culture musicale, du coup. Et puis là, il n'y a pas de réponse, donc je ne vais pas me tromper. C'est bien. Ah. Alors on écoute, et de quel festival parlons-nous? Ok. Et puis pour la mobilité, puisque c'était le deuxième exemple, on a cette année encore renforcé notre dispositif. Donc ça se traduit par l'adaptation des horaires d'année en année, des trains, des bus, des bus et des cars, pardon. L'ajout de lignes supplémentaires aussi pour desservir encore plus de communes. L'ajout de stations de vélos électriques partagés aux abords du site du festival. Plus de places sur notre parking vélo. Voilà, tout ça permet de renforcer d'année en année nos dispositifs. Et vous êtes engagé à permettre aussi de venir au festival. Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr. Il y a Agathe, la réponse. C'est ce que c'est, là, l'alerte. Depuis Paris, depuis aussi la Belgique. Bon, on la donne déjà la réponse. Non, on attend la fin de la question. Ah, pas trop pressé. Dans les comportements depuis. Merci Michel. Alors sur les navettes qu'on appelle grandes lignes entre guillemets pour nous, pour les distinguer de nos navettes plus locales, départementales, on a un petit peu de mal à faire décoller tout ça. C'est des navettes qui sont basées sur un festival de 4 jours. Excusez-moi, c'est le documentaire en entier là ou... Tu peux mettre un x2 les habitudes des festivaliers ont changé en fait. On va passer 13 minutes de l'extrait comme ça, vous n'avez pas. Ce serait dommage qu'on soit pas en finale. 4 jours de festival. Si jamais vous vous trompez. 4 jours de festival. Donc ça colle peut-être plus trop aux habitudes des festivaliers. Cette année, voilà, on a eu un. Merci Agathe. Apparemment, ils ont la réponse. Donc on peut arrêter là. Il reste encore quelques secondes. Le jardin du Michel. Donc, vous validez cette réponse? Oui, oui, oui. Allez, go. Oui, c'est bon. Vous n'allez pas regretter? Non, allez, go. Vous n'allez pas regretter de ne pas avoir écouté l'extrait jusqu'au bout? Non, final, pas du tout. Bon. Allez, non. Pas du tout. Oui, non, pas du tout. Allez, c'est maintenant. Alors? Ah bah, c'est planté. Est-ce que c'est... Et en plus, tu reconnais Agathe? Eh oui, Agathe. Non. Ah, moi, j'ai cru que vous l'aviez, hein. Mais... Parce que Agathe, elle était sur le jardin du Michel aussi. Bah oui. Bah tu n'écoutes pas Agathe. Agathe, si tu nous écoutes. En plus, tu écoutais la semaine dernière. Alex, non? Écoute, c'est pas très grave. Il reste 2 minutes. Bon, question suivante. Après, c'est il la reste dernière. 2 minutes, mais moi, vu l'erreur que j'ai fait, j'aimerais bien rajouter au moins 2 minutes. Oui, oui, ah, au moins. Merci, c'est fair play. C'est merci. Merci. Ça, c'est commerçant. Bravo. C'était quel festival? Pardon, oui. Eh ben, c'était le Cabaret Vert. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire là-haut? C'est dans les Ardennes. Et oui, et ça fait 2 émissions qu'elle en parle, Agathe, dans Wild. Non, Agathe, ça suffit. Ça suffit, Agathe. Et on en a parlé la semaine dernière. Je lui ai dit. Honte à moi. On en a parlé. Inadmissible. Agathe, nous écoute, on t'embrasse. Agathe. Bisous Agathe. On embrasse Agathe, mais quand même. Allez, reste le temps d'une, qu'on enchaîne une question. Je commence à transpirer là. C'est pour elle. C'est ça. Il restait 2. Allez, hop. Allez, go. Émission. Émission. Allez, on se concentre. Allez, l'équipe, allez. Il faut 5 points. Question. 5 points. Émission. Et là, nous sommes toujours à 35. Hein. Bah oui. Allez, go, go, go. Elle est dure. Comment s'appelle l'émission qui met en valeur les sportives sur Fadjet? Défi sport. Défi, hein? Ah oui, défi sport. Bah oui, défi sport. Bravo. Oh. Oui. Et on valide. Allez, c'est bon. C'est tellement poétique, on valide tous. Là, on valide tellement tous. Défi sport. Défi sport, ouais. On a parlé. Bien, ça va tellement bien. Oh yeah! On est à combien? On avait 2 minutes additionnelles. Il reste sur mon chronomètre 1 minute 05, mais vu que j'ai rajouté 2 minutes, 3 minutes 05. Bravo. Oh oui. Dès 40 oui. minutes. Oh, bon. Ah bravo. On est en finale. On est en finale. Merci à Claire. Ah oui. C'est Claire. Sans Claire, on n'aurait pas gagné et ça. Oui, voilà, c'est vrai. C'est on devrait enlever des points parce qu'avec Claire. Mais Claire fait totalement partie de l'équipe, il n'y a pas de débat, elle est à jour de cotise. Tout va très bien. Donc, un message pour toutes les autres équipes, il faut apporter des femmes. Être à jour de sa cotise. C'est beaucoup plus maligne que nous. C'est le côté, oui, ça manquait. Hein, on voulait une petite côté féminine dans l'équipe, on l'a eu, merci. Super. Elle nous a été très utile. Et en plus, elle a, merci beaucoup. Elle a effectivement apporté des points. Tu as brillé par tes réponses. Merci, merci. Mais ça se joue à quelques. Bah, 3 minutes 05. 3 minutes 05, oui. Pour l'instant, c'est pour les deux équipes qui sont en finale. Mais oui, bah là, il y en a que deux. On peut avoir une petite pensée pour monsieur Roger qui doit la haine dans sa voiture qu'on l'ait battu. Il était content parce qu'il vous restait pas beaucoup de temps et deux questions à faire. Tant pis pour lui. Allez, maintenant, on va vous écouter chanter. C'est bien, ça j'aime beaucoup. Il faut peut-être choisir une musique. Choisir une musique. Alors, vous avez choisi. Quoi voilà, c'est quoi c'est Gims. Ah ouais, non mais de toute façon on pourrait prendre n'importe laquelle. On peut pas avoir les sardines de Patrick Sébastien. Mais oui, les sardines. Si, dans ce cas-là, non, fallait me la porter avec l'instru. Faire une chanson. Facile, facile, faut d'abord les paroles. Débile, débile, une petite mélodie qui te prend bien la tête. Et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rend à 5, 6, 7. Et l'on s'en prend tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ouais, allez les MMJ. Là bon voilà, ils ont choisi leur chanson, ils l'ont chantée. Bon, c'est un peu court. On peut faire la danse des canards ou une chenille ou un truc comme ça. Mais j'ai peur qu'on s'en mêle avec les fils. Rejoignez tous à Fadjet, on fait une chenille dans tout Nancy. Voilà, c'était les MMJ, les mieux meilleurs MMJ, joueurs en MMJ, donc et qui ont battu d'une courte tête couture, ouais, c'est ça. Donc, 36 minutes et 55 secondes. Yes. 36 minutes. Alors c'est le record à battre. C'est 36 minutes et 55 secondes. Okay. Avis à ceux qui vous succéderont le 7 novembre. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Courage. C'est l'équipe. Attention, là, il y a du lourd. Il y a aussi du lourd, je pense. C'est l'équipe de la voisinade avec Gaëtan du mardi matin. Bah, il est avec. Ah, il va concurrencer. Voilà. Donc, c'est eux que l'on retrouvera le 7 novembre. Et puis après, des anciens pour dans le courant du mois de novembre. Ça va être une lutte acharnée. Peut-être qu'à chaque fois. Hein. Mais après, comme disait Fred tout à l'heure, à la fin de l'émission, c'est de la stratégie après. Hein. Ouais. Fred, l'équipe de la semaine dernière, ils étaient un peu. Ils ont commencé avec des questions diesel. À 1 point, 3 points. Ils ont fait les. Donc là, à coup de 5. Quoique, vous avez eu quand même quelques mauvaises réponses. Ouais, on a eu du raté. Mais... Fred, et c'est pas la stratégie qui nous faisait peur, c'est le stratège. Mais bon, là, voilà. Bien, on a encore un peu de musique. Hein. On peut faire un autre choix musical. Vous aviez amené plusieurs Bad, choix. On avait Bad également de Michael Jackson. Et ben, un petit Bad de Michael Jackson. Il doit y avoir ça dans la prog sous LR. Oui, très bon titre. Pour glisser tout doucement vers le Hot 40 à 20h. Alors. Michael Jackson, Bad. Alors, c'est un titre issu de l'album Bad. C'est la première piste. Cet album de 1987 qui succéda à son album Thriller, Thriller étant l'album le plus vendu de tous les temps. Avec un clip qui dure 17 minutes, qui a été tourné. On aurait dû mettre Thriller. Thriller. Ça aurait été plus dans, alors, le. Ça, t'as chanté Beat It avec le titre de Thriller. Ouais, Thriller. Bientôt Halloween. Exactement. Ah oui. Sinon, on aurait pu faire un petit coup de Mike Brandt également. Ah. Mike Brandt, on l'écoute trop peu à l'antenne. On a changé, on veut Mike Brandt. Allez, va Mike Jackson. Allez, let's go Mike Jackson. C'est bad. Ouais, allez. C'est good. Allez. I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright, I'm giving you on count three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you. So watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this way too. But my friend, you have seen nothing. Just a way to. Avec Bad, Michael Jackson, c'était aussi la grande époque. La grande époque de la pop, c'était le roi de la pop, the king of the pop. Et c'était dans les années 85, à l'époque de la naissance de Fadjet. Et ben Michael Jackson était au sommet de sa forme. 87, Bad. Oui. La boucle est bouclée. Mais franchement, top. Hein. Ah oui, avec ce soir, les MMJ. MMJ. Mieux meilleur joueur. Et Claire disait les MMJ Fadjet Awards. Alors je lui ai dit en antenne, ça c'est pour la finale. C'est tout le mal que je vous souhaite de vous retrouver le 18 décembre. Alors réservez déjà votre 18 décembre. Oui, c'est parce que, imaginons, une équipe n'est pas au complet le 18 décembre. Ah là là, c'est disqualification. C'est la disqualification. C'est la quisilification. Je peux même dire, j'avais tellement la confiance que j'ai dit à la directrice de Fadjet, bah de toute façon je réserve le 18 d'office Fabienne. Exactement. Puisqu'on sera en finale. Nous on devait partir en voyage aux Seychelles avec Toutou. on a réservé. Ouais, bah, du coup, on partira à ta place. L'assurance annulation exprès. J'imagine, chérie, je pars pas. J'ai peut-être une finale à Fadjet le 18 décembre. Voilà, c'est le peut-être qui est horrible. Ah oui. Voilà, 19h59. Dans quelques instants, je vous retrouve pour le Hot 40. Merci Claire merci d'avoir. Merci Benoît, on t'applaudit. Benoît, bravo. De la radio, de la maison. Tu reviens quand tu veux. 3 heures d'affilée. Oui, je suis là depuis 18h. Ouais, la vache. Et je pars à 21h. Ça me rappellera ma jeunesse. Merci Julien, on se retrouve mardi. Oui. Où tu joueras encore avec les mots comme tu le fais chaque mardi. Alex, on te présente plus Alex. Mercredi, et puis dans. C'est quand au mois Shabbat de novembre? Ça sera le 14 novembre pour 14 le prochain novembre. Shabbat d'Alex. Eh bien, très bien. Fais pendant les vacances, des fois, c'est comme ça je pourrais venir. Manu, oui, jeudi prochain. Ouais, avec grand plaisir. Quel rêve ? Rêve que je suis redevenu un ado. Alors, qui va venir ? Il y avait une question là-dedans. Ouais. Ah ouais. Il fallait trouver ton rêve. Canon. Trop bien. Mais là, j'aurais directement gagné. Oui, mais bon, là, tu vois, ça sera pour les prochains. Non, mais normalement, il sera là. Si tout va bien, jeudi, il sera là avec nous pour justement pour rêver ensemble. C'est beau, le rêve. C'est beau ce que tu dis. Non, mais voilà, mais un grand merci à toi encore pour l'organisation et l'invitation dans ton émission. Eh bien, merci de ta venue, Tom, et puis à bientôt, peut-être.